Vous êtes déjà venu au Québec? Vraiment très bon. Non, pas vraiment. Il fait chaud par contre, il fait environ 20 aujourd'hui. Parti maintenant. il est là. Très bon ça. Dans mon synthé. Mais je m'appelle pas comme ça, moi. Play iPad. Tu joues sur quel synthé? iPad. I play GarageBand. C'est quoi ton gear? Sur un iPad. Ah, sur du Korg. Sweet. Pas Nike, faut faire Adidas. Oui, ça fait un vieux sampler. Kraftwerk. Merci, merci. Thank you. synchronisé. Nice jam.